Salut à tous et bienvenue sur Nature Fan pour le Top 50 2017. Vous allez pouvoir écouter les meilleures chansons de l'année écoulée, réparties en 5 émissions, diffusées pendant 5 jours. Nous voici arrivés à la dernière partie du Top 50, avec à la 10e place Gentle Ivanhoe Deaf Schools de Stockholm et leur titre Green Hank Teen. Les Anglais de The Wombats se classent 9e avec Lemon to a Knife Fight. Red light and the road twists round the hill. Lipstick on the back seat, Once again and wider with every word you say. Intoxicated, higher than the ISS. I've clawed my way out of here before, but tonight I'm turning left. I push and you tend to shove. I give in and you don't give up. C'est Aldous Harding que l'on retrouve à la 8e place avec le titre Imagining My Man. I'm going to answer protected. Forgive. It's not what I thought, and it's not what I pictured when I was imagining my man. I don't have the wish to go back. stay. You were right. Love takes time. Hey, hey. On continue avec les Texans de Spoon et leur titre I Ain't the One, classé 7e de ce top 50 2017. On reste aux États-Unis avec en sixième position le titre Escape Plan de Tiger Jaws. En cinquième position, nous retrouvons les Suédois de Mando Diao avec All the Things. Thank you. Quatrième de ce top 50 2017, encore des Suédois. Shout Out Louds avec Oho. Sur le podium du top 50 2017, médaille de bronze pour le Canadien Andy Schauf et Early to the Party. Smoke a cigarette outside. faces coming up the drive. Exhale nervous breathings as they shuffle past. Can't he ever show up one time? He's ahead of you. He's talking shit. He never thinks of you. So bite your lip and watch him walk off with his friends, leaving you all alone once again. Médaille d'argent pour White Horse de l'Ontario au Canada avec Night Hawks. Your pantyhose. say. She's a stoner, you're a taker. She's a muse, she's a faker, and you like it that way. La médaille d'or est encore pour des Canadiens. Broken Social Scene qui termine premier avec Halfway Home. Bravo au Canada pour ses trois premières places du top 50 2017. Yeah.